l'heure où la bonne parole inspire le doute. Je vois que la méfiance est d'or sur nos routes. Quand les balles dansent en cadence et que les vautours pensent, l'information devient l'apologie d'une violence qui s'insère dans les jeunes crânes devenus influençables. Le sang attaché, la fontaine et ses fables pour une génération trash. Jeunesse pousse, l'avenir d'un fœtus et d'être percé par des secousses. Ne pousse pas, ne t'en fais pas, ton tour viendra à force de jouer avec le feu. Tôt ou tard on se crame les doigts, même la bonne parole inspire le doute. De la crédulité naissent les proies et je vois que la méfiance est d'or sur nos routes. Tout le monde écoute que coûte. Méfie-toi des putes, on peut te canner aussi facilement que l'on déverse du mazout. Plus personne dans les rues n'est relax. Les gosses en rage, gruge ta page, fait divers en première page, ça pue l'embrouille à max. Derrière les braquages, se cachent les mêmes pulsions que les soirs de cambriolage. L'esprit volage et tous me racontent qu'ils volagent. Dans mon monde, presque tous voient grand alors que rare voient large. L'esprit petit qui se croit malin, mais règle c'est quand dans la mêlée. Outrage, quand on les coupe, c'est l'orage. Assimile le coup de semelle dans les histoires où ça se met les nerfs. Fight Club millénaire, tous à mettre des coups, donnerait tout pour devenir millionnaire. Me lance pour l'honneur comme pour l'or noir, pour un résultat entre le sud et le nord, pour la douleur provoquée par leur mort ou simplement par les remords. J'ai la violence du rimeur, merde, mon monde meurt de la tumeur, de la violence, regarde, merde. I give.